Franco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le calendrier électoral pour les scrutins de 2025 a été annoncé ce mardi par la Commission électorale nationale indépendante. La CENI précise que l'enrôlement des électeurs interviendra dans la période du 22 au 31 octobre prochain. Et l'ONG Global Hunger Index classe le Burundi en tête de liste des 20 pays africains souffrant de la faim, selon son rapport de 2024. Explication dans le compte-rendu de lecture de ce document. Et les femmes issues des familles de la communauté Batwa du site de Mutana, en commune Muruta de la province Kayanza, affirment avoir maintenant compris l'importance d'accoucher en milieu assisté. Notre correspondant sera en ligne pour des précisions avec des chiffres. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les élections législatives auront lieu le 5 juin 2025, en même temps que celles des conseillers communaux. Les élections sénatoriales se tiendront le 23 juillet 2025, tandis que celles des chefs de colline et des responsables de quartier se dérouleront le 25 août. Annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante qui a publié ce calendrier, le président de la CENI, Prosper Nahurguamiye, invite les personnes en âge de voter à se faire inscrire entre le 22 octobre et le 31 octobre 2024. La période de dépôt et vérification des candidatures, y compris les dossiers des associations de l'ethnie Twa à la CENI, pour les élections des députés et des conseillers communaux est fixée du 9 au 23 décembre 2024. Certains responsables des partis politiques estiment que ce délai pourrait leur empêcher de continuer la campagne, d'autant plus que les élections sont prévues pour le 5 juin 2025, Lydie Gahimbare. C'est le président du parti APDR qui exprime ses préoccupations concernant le calendrier électoral de 2025 qui prévoit que les élections législatives auront lieu le 5 juin 2025, mais que les dossiers de candidats au poste de député et aux conseillers communaux doivent être déposés au mois de décembre 2024. Selon Gabriel Banzawitonde, cela donne l'impression que les élections sont déjà terminées. Une inquiétude soulevée également par Olivier Mouloudidza, président du parti Iprona. Selon lui, ce calendrier posera de sérieux problèmes car les têtes de son parti ne l'empêchent pas qu'un membre puisse figurer sur la liste des candidats 2 ou 3 mois avant les élections. Sur ces préoccupations, Prosper Nahurguamiye, président de la Commission nationale indépendante, indique que la période de dépôt des dossiers en décembre, alors que les élections législatives et les conseillers communaux auront lieu en juin, cela vise à vérifier si les candidats remplissent les critères requis. Les responsables des partis politiques ont également soulevé des inquiétudes concernant le processus de recrutement des agents qui vont faire l'enrôlement des électeurs. Pour Olivier Nkurunziza, président du parti Iprona, il y a des lacunes dans ce processus. Je venais de vous le dire dans les titres, le Burundi vient en premier parmi les 20 pays africains où la faim sévit selon un rapport de l'ONG Global Hunger Index. Ce rapport de 2024 explique que les conflits armés dans différents pays du monde ainsi que les changements climatiques sont les principaux défis qui ont frappé le plus durement certains pays et leurs populations, y compris le Burundi. On fait le point avec Évariste Nzikobanyanga. Le résultat de Global Hunger Index 2024 reflète une série de défis successifs et superposés qui ont frappé le plus durement les pays et les populations les plus pauvres du monde, amplifiant les inégalités structurelles. Ces défis comprennent les conflits armés à grande échelle, les impacts de plus en plus graves du changement climatique, les prix alimentaires intérieurs élevés, les perturbations des marchés, le fardeau élevé de dettes parmi les pays à revenus faibles et intermédiaires, les inégalités de revenus et le ralentissement économique. Les conflits ont fait planer le spectre de la famine, les guerres à Gaza et au Soudan ont conduit à des crises alimentaires exceptionnelles. Les conflits et les troubles élevés génèrent également des crises alimentaires ailleurs, notamment en République démocratique du Congo, à Haïti, au Mali et en Syrie. Le droit à l'alimentation est largement sous-réalisé et non appliqué, malgré l'insistance répétée de la communauté internationale sur l'importance du droit à une alimentation adéquate. Il subsiste une disparité troublante entre des normes établies et la réalité selon laquelle, dans de nombreuses régions du monde, le droit à l'alimentation est ouvertement bafoué. Six pays ont des niveaux de faim considérés comme alarmants, indiquant une misère humaine, une sous-alimentation et une malnutrition généralisée. La Somalie, le Yémen, le Tchad et le Madagascar sont les pays avec le score de cette ONG les plus élevés. Le Burundi et le Soudan du Sud sont également provisoirement désignés comme pays alarmants. Cette ONG indique qu'au Burundi, la plupart de la population est sous-alimentée. 55,9% sont des enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance. 6% des enfants de moins de 5 ans sont amaigris et 5% des enfants meurent de faim. Sur les 20 pays africains où la faim sévit le plus, selon le rapport de Global Hunger Index 2024, le Burundi vient en première position et secondé par le Soudan du Sud. Évariste Nzikobanyanga. Une vingtaine de pagnes frauduleusement introduits dans la ville de Rumonge ont été saisis par la police au niveau de Ngayamba. C'était vers 21h de ce lundi à mardi. Des sources sur place confirmées par la police indiquent que la femme qui les transportait à bord d'une moto dans un sac s'est immédiatement évanouie après cette saisie. L'officier de police judiciaire dépêché pour faire le constat l'a conduite à l'hôpital public de Rumonge où elle a rendu l'âme vers 4h du matin de ce mardi. Selon des sources policières, ce dossier devrait suivre son cours au parquet de Rumonge, selon les mêmes sources. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Les femmes issues des familles de la communauté Batwa du site de Muntana, en commune Muruta de la province Kayanza, disent qu'elles ont compris l'importance d'accoucher en milieu assisté. Mokonzi Herbert Patrick, point focal provincial du service de la reproduction au sein du bureau provincial de santé à Kayanza, affirme qu'en général, le taux des femmes qui accouchent en milieu assisté a sensiblement augmenté. Il donne l'exemple du premier semestre de l'an 2024, où sur plus de 11 000 accouchements, seuls 80 à domicile ont été enregistrés. Patrick Sengiyomva. Les femmes ici des familles de la communauté Batwa du site Mutana en commune Muruta de la province Kayanza contactées au sujet de l'accouchement dans une structure de santé ont indiqué que les années antérieures, elles ne se rendaient pas dans des structures de soins au moment de l'accouchement et que les conséquences étaient multiples, y compris les mortalités maternelles lors de l'accouchement et les mortalités néonatales aussi. Ces femmes Batwa de la colline Mutana font savoir qu'elles ont été suffisamment sensibilisées sur l'importance d'accoucher dans une structure de santé et disent que qu'ils continueront à cette même lancée. Même les maris de ces femmes Batwa de Mutana disent se réjouir beaucoup qu'aujourd'hui, leurs femmes accouchent dans des structures de santé et demandent aux agents de santé communautaire de multiplier des sensibilisations auprès d'autres femmes Batwa, aussi bien que pour les femmes issues d'autres catégories sociales sur l'importance d'accoucher dans une structure de santé. Au niveau du bureau provincial de santé à Kayanza, l'on apprécie qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes en cette province accouchent dans des structures de santé. Herbert Patrick Mukunzi, point focal provincial à Kayanza chargé de la reproduction, indique que sur 17 464 femmes qui ont accouché au cours du second semestre de l'an 2023, 119 seulement n'ont pas accouché dans un milieu assisté, comparativement au premier semestre de l'an 2024, où sur 11 307 femmes qui ont accouché, 80 seulement n'ont pas accouché dans des structures de santé. Mukunzi Herbert Patrick appelle les agents de santé communautaire à augmenter des sensibilisations auprès des femmes pour que les jours à venir, on arrive au stade de zéro accouchement à domicile. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Le mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur la situation des droits de l'homme au Burundi vient d'être renouvelé par la 57e session du Conseil des droits de l'homme du 10 octobre dernier. La représentante permanente du Burundi auprès de l'Office des Nations Unies à Genève s'est inscrite en faux contre le nouveau mandat du Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo. Et cette reconduction fait suite à une correspondance envoyée par diverses organisations engagées dans la défense des droits de l'homme. Mireille Kanyang. Dans leur lettre conjointe du 29 août de cette année, ces 39 organisations, dont celle des Burundais vivant à l'étranger, attiraient l'attention des représentants permanents des États membres et observateurs du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève sur la nécessité de renouveler le mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme au Burundi. Ces 39 fondaient leur demande sur des violations des droits humains qualifiées de graves dans un contexte d'impunité. Unité généralisée, disait-elle, à un environnement national et régional tendu, des politiques malmenées et à l'approche des élections de 2025, en évoquant des facteurs de risque de nouvelles violations. Lors de la 57e session du Conseil onusien des droits de l'homme, tenue du 9 septembre au 11 octobre de cette année, le Conseil des droits de l'homme de Genève a renouvelé le mandat du Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo comme rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme au Burundi, une reconduction votée par 22 États sur les 47 qui composent le Conseil, bien qu'Elisa Nhirabiruri, représentante permanente du Burundi à Genève, ait rejeté ce mandat. Le projet de résolution sous analyse, initié encore une fois par l'Union européenne, au point 4 de l'ordre du jour de ce Conseil, demandant le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, ressemble à quelques nuances près aux résolutions antérieures qui maintiennent mon pays sur l'agenda de ce Conseil depuis 10 ans. Et pour conclure, le Burundi conteste encore une fois ce mandat pays et se pose à son renouvellement par ce Conseil et nous comptons demander qu'il y ait vote à ce sujet et voterons contre. Le mandat du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme au Burundi a été créé pour surveiller la situation des droits de l'homme dans le pays, faire des recommandations en vue de l'améliorer, conseiller au gouvernement burundais de s'acquitter des obligations en matière des droits de l'homme mises à sa charge par les traités internationaux et d'offrir conseil et assistance à la société civile et à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme dans l'exécution de son mandat indépendant de promouvoir et protéger les droits de l'homme et dans ses activités de sensibilisation aux questions relatives aux droits de l'homme. En juin 2019, le Burundi a fermé l'Office des droits humains de l'ONU. Le rapporteur spécial n'a pas jusqu'ici accès au territoire burundais. Mireille Kanyang. Certains adolescents de la capitale Bujumbura témoignent qu'ils font face à beaucoup d'informations à propos de la santé sexuelle et reproduction, que ce soit de la part de leurs amis ou des réseaux sociaux, et que cela les déroute. Ils saluent cependant le travail fait par leurs parents pour leur apporter des éclaircissements. Au moment où le ministère de l'Éducation révèle plus de 1000 cas de grossesse enregistrés en milieu scolaire pendant l'année scolaire 2021-2022, le psychologue Alexis Ndayizigiye appelle les parents à mettre en avant le dialogue avec leurs adolescents pour éviter qu'ils aient des comportements à risque. Un reportage d'Ingabire Dohoreb. Ces personnes sont parmi les adolescents de la capitale de Bujumbura qui indiquent que ces derniers temps, ils font face à beaucoup d'informations à propos de la santé sexuelle et reproductive et que des fois, ils ont des soucis pour faire la part des choses. Ils saluent néanmoins le travail fait par leurs parents pour leur apporter des éclaircissements. On en parle lorsque nous sommes entre amis, mais nous ne pouvons pas avoir tous les éclaircissements car il y a des informations que nous n'avons pas. Nous tirons certaines informations sur les réseaux sociaux, mais ce qui nous permet de faire la part des choses, c'est l'éducation que nous avons eue. Au moment où il y a certains parents qui hésitent de parler avec leurs adolescents à propos de la sexualité, à cause de la culture burundaise ou la religion, ces adolescents appellent ces parents à privilégier le dialogue. Je conseillerais aux parents de dialoguer avec leurs enfants pour leur montrer où nous en sommes. Les parents devraient dialoguer avec leurs enfants, car s'ils ne le font pas, leurs enfants vont chercher les informations ailleurs et ils risquent de trouver des fausses informations. Un appel également lancé par le psychologue Alexis Ndaïdi-Guillé qui affirme que cela pourra prévenir à ce que leurs enfants aient des comportements à risque. Les enfants rencontreront des défis difficiles à surmonter et aussi ils ne trouveront pas quelqu'un pour l'aider. Ils peuvent trouver des amis qui pourront donc renforcer cette vulnérabilité ou bien renforcer cette erreur. Et le parent, dans son il lui sera très difficile de corriger du fait que l'enfant n'accepte pas les conseils de son parent. Dans ce genre de comportement, c'est là où vous pouvez trouver des enfants qui pourront passer toute une nuit à l'extérieur de sa famille. Au moment où le ministère de l'Éducation révèle 1019 cas de grossesse qui ont eu lieu pendant l'année scolaire 2021-2022, le psychologue assure que l'un des moyens de lutter contre ce phénomène en milieu scolaire est que les parents fournissent plus d'efforts en réduisant les comportements à risque dus à l'ignorance. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser.